yè se bien marié, il te met nan tèt balè, depuis tout fami yon vle, gen fason pou sa règle, tout marié se bien marié, il te met nan tèt balè, depuis tout fami yon vle, gen fason pou sa règle. Wadi a pale ou mal, a fe pa yo pisal, mwen konon kom nek total, fò montro tre rezonab. Wadi a pale ou mal, a fe pa yo pisal, mwen konon kom nek total, fò montro tre rezonab. Ou rete wap fè tepe, fè la katre du maten, paren ak paren chalman, na pe fè tout simplement. Leave.